Amis humains, bonjour. Acheter des fans sur Facebook. Le non-spécialiste des réseaux sociaux peut légitimement se poser quelques questions sur le fonctionnement de Facebook et autres repères du même genre. Et dire que les utilisateurs osent réclamer à corps et à cri de la confidentialité alors qu'ils s'exposent volontairement. Voilà maintenant qu'on peut même se payer des fans certifiés français pour seulement 25 euros. Ou encore, par exemple, dans une large gamme de propositions, un référencement à 229 euros. Qu'en dites qui découvre l'eau chaude, me direz-vous? Alors que certaines entreprises puisent allègrement et depuis longtemps dans ces puissants fonds de clients potentiels que sont les réseaux sociaux. Surtout ne jamais sous-estimer la faculté de raisonnement inépuisable des internautes ni de toute la faune qui profite de l'aubaine du net pour gagner quelques sous ou se faire un nom. Vous pourrez lire sur le site www.ht-des-fans.com qu'avec plus de 3000 clients satisfaits depuis 2011, nous sommes le site numéro 1 en France. Avec un peu de réflexion et un minimum d'effort, vous conviendrez facilement que s'il existe un numéro 1, il y a forcément un numéro 2 et 3, etc. Vous remarquerez toute la pertinence et la puissance de cette affirmation du plus haut intérêt. Il est temps de booster vos réseaux sociaux, qu'ils disent, pour attirer le chaland. Le monde attire le monde, paraît-il. C'est sûr, il suffit de demander à Nadine Morano que Guy Bedeau, dans un de ses rares moments de lucidité, avait traité de « Enfin, vous connaissez la suite ». Maintenant, pour qu'il ne vous arrive pas la même mésaventure qu'à l'ex-ministre de l'apprentissage de Sarkozy, qui avait en 3 jours enregistré sur son compte Twitter plus de 55 000 abonnés, ce qui n'était pas passé inaperçu. Et si vous vous décidiez un jour d'ajouter au panier des ligues par milliers, surtout n'accordez votre confiance qu'à une maison sérieuse, car de petits malins qui pullulent sur le net pourraient vite dénoncer votre manège. Voilà pourquoi, acheterdesfans.com, qui se vantent d'être reconnus comme le principal acteur sur ce marché par les plus grands médias web TV, TF1, Canal+, Le Monde, Télérama, propose à ses acheteurs d'envoyer la commande de fans progressivement pour que cela paraisse totalement naturel pour vos fans et pour Facebook. Comme si ce système pouvait beaucoup gêner le réseau social qui a d'autres ça à cacher et qui d'ailleurs possède ses propres méthodes officielles et légales pour acheter des fans. Vous connaissez peut-être le site Presse Citron qui parle de l'actualité du web et des nouvelles technologies. Ce site, par curiosité et pour tester l'efficacité du système, a donc tenté une petite expérience et dépensé 202 euros pour des fans. Voici sa conclusion pour le moins sceptique. Que faut-il en conclure? Je ne sais pas, je suis dubitatif. Je pense qu'acheter ponctuellement des fans peut réellement faire grandir l'audience d'une page et son taux d'engagement, mais il ne faut pas compter dessus pour augmenter le nombre de visiteurs sur un site. Il semble se confirmer à la lumière de ces tests que Facebook est vraiment un écosystème fermé, autonome et presque toxique, un trou noir du web qui aspire toute une audience sans réellement la redistribuer, en tout cas si on ne s'appelle pas BuzzFeed ou Upworthy. Les interactions se font à l'intérieur du site et c'est d'abord Facebook qui profite de ce mouvement et de cet apport d'audience payé par ses membres, mais comment imaginer un seul instant que des marques prestigieuses comme Air France pourraient utiliser un tel procédé pour assurer sa notoriété sur le web? Vous n'y pensez pas tout de même. Les ailes françaises comptent plus de 5 millions de fans et la société est classée au top des marques sur Facebook. Le succès, ça se mérite. D'ailleurs, Air France comme d'autres font très attention à l'image de l'entreprise sur la toile et traquent sur Internet tout ce qui se dit sur elle et touche à leur réputation, commentaires, avis, critiques, mise en cause. Elle développe une stratégie de veille mais aussi une présence offensive, source Républicain Lorrain. En tout cas, si les sociétés n'achètent pas tous leurs fans, trop parler en mal de sa boîte est un motif reconnu de licenciement. C'est aussi pour cela que le bouton « J'aime pas » sur Facebook est si contesté. Article de Halalbo.fr. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et bon baiser numérique.